Un chanteur de rail doit toujours tester le micro. Test 1, test, test, test 2, testicule 1. Après, il fait des dédicaces improbables. Il dédicace tout le monde. Et après, bien sûr, les intros les plus longues du monde. Certains avec la prise. Okay.